c'est la dernière portion de l'été parce que vous savez, on était en congé depuis le mois de mai au Palmarès C'est fou. On est de retour pour une nouvelle saison à partir de cette semaine. On est les mardis de 15h à 18h. Et comme on a pris un congé, il y a beaucoup de pièces qui nous ont quittés. Là, on entre dans la troisième phase. Les deux derniers palmarès, c'est des pièces que j'ai même pas eu la chance d'entendre pour certaines d'entre elles depuis le début de l'été, mais elles ont eu le temps de venir dans le palmarès et de nous quitter pendant mon absence. Donc voici Palmarès in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés entre le 27 juillet et le 13 septembre. Le 27 juillet et le 13 septembre. Commençons par... En fait, il y avait deux palmarès là-dedans. Le premier était pour la période du 27 juillet au 24 août, donc presque un mois. On a commencé avec Rouge Pompier, qui a vu un enfant venir lui jeter des coups de pied sur son château de sable. Machine Géante s'est fait détruire par une machine encore plus géante avec La Ruche. Noem s'est fait emporter par la marée noire. Philippe Braque est tombé en bas d'un ravin. Heal in the Sky Heroes a pogné en feu avec The Flame. Faith Healer s'est fait soulager jusqu'à ce qu'il s'en aille tellement qu'il était correct. T'sais, finalement, il partait en marchant. En marchant. Gain. Et puis finalement, Ken Tizzard est juste parti avec All Gone. Dans les palmarès de la période du 25 août au 13 septembre, un petit 3 semaines, je dirais, il y a eu Salomé Leclerc qui est parti en voyage pour vers le sud. Hein. Les Zapettes, ça a vraiment pas duré longtemps, ça. C'était tu m'aimes pas proche, ça a duré 2 palmarès, donc la réponse c'est encore une fois non à non. ça. Richelieu, encore un jeu de mots très facile, est parti avec Tu quittes. Metz est allé se faire sauver par The Swimmer. Genre, si on... Faith No More a perdu espoir avec Superhero. Heat a pris froid avec This Life. Et Bears of Legend est tombé dans une trappe à ours avec Beside Me. Je pense que j'ai réussi mes références un petit peu mieux dans les deux premiers segments. Mais on est rendu au troisième, puis je suis rendu là, un petit peu fatigué de faire des références en même. Donc, Palmer Rest in Peace. On dit au revoir à ces pièces-là qui nous ont quittés. Et comme on l'a dit tantôt, on est de retour avec un nouveau palmarès pour la période qui débute le 14 septembre, même si présentement, en direct, on est le 22 septembre. Donc, c'est un palmarès qui dure depuis une semaine. C'est quand même leur première diffusion à ces pièces-là. Et on va avoir le temps de les apprivoiser. Et les jouer pendant les prochaines semaines. Voilà. Vous pouvez retrouver les montages de Palmer Rest in Peace sur lesquels j'ai tant travaillé sur assemblagerequis.com.